Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin l'étude du chapitre 11 de l'Évangile de Marc. Notre bon Père du ciel. Nous nous courbons devant toi afin que tu nous instruises sur le royaume que tu as établi par ton Fils Jésus, par ce Fils de David qui a accompli les promesses que tu avais faites toi à David. Et nous voulons bien comprendre le genre de royaume qu'il est en train d'établir. Parce que nous disons que nous en faisons partie. Donc il faut bien évaluer si le royaume que nous proclamons est bien le royaume qui a été établi. Donc conduis-nous, aide-nous par ton Esprit Saint à saisir les vérités du royaume de Dieu, en regardant notre roi accomplissant ses premiers pas en tant que le roi qui a été couronné hier. Que ton esprit puisse nous conduire dans toute la vérité. Amen. Bien oui, on est dans la dernière semaine. Cette dernière semaine qui nous conduit à la mort de Jésus. Aujourd'hui, on est mardi, selon notre étude de l'Évangile de Marc. Le lendemain du couronnement, qui était lundi, donc on est mardi. Que se passe-t-il ce mardi-là? Jésus avait été identifié la veille à Jéricho comme étant le fils de David, identifié par Timée, Bartimée l'aveugle. Jésus est d'accord avec la proclamation qu'il fait pour démontrer qu'il est le fils de David. Celui qui devait venir établir le royaume de Dieu, il fait le miracle pour démontrer qu'il approuve la foi de Timée. Cette foi qu'il a, que Jésus est le fils de David. Ensuite, on a vu son couronnement. Jésus descend du mont des Oliviers et il descend assis sur un ânon. Et c'est le peuple, le petit peuple, moi j'appelle ça le peuple des pauvres, le peuple des indigents en partie, le peuple de ses disciples qui le suivent depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être plusieurs années, plusieurs d'entre eux autres, qui sont là et qui suivent le ministère de Jésus. C'est eux que lui veut avoir comme sujet. Ce n'est pas les autorités religieuses ou politiques. Et c'était ces gens, ces petites gens du peuple, c'est eux autres, finalement, qui le couronnent roi. Et on a vu hier que quand le couronnement était fini, au lieu de s'en aller au palais royal, à la maison de David, son père, il s'en va à la maison, au temple, à la maison de son père spirituel, Dieu. Mais on a vu à la fin, au verset 11, que la journée était avancée, qu'il était déjà tard, donc il retourne à Béthanie avec les 12. Et là, quand on arrive au verset 12, c'est le lendemain. Lisons ensemble notre texte, si vous voulez bien, à partir du verset 12, et nous allons lire jusqu'au verset 26. C'est un long passage. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout le voir, mais ça va tout ensemble, je crois. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il se trouvait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils allèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple, et renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs et de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais qui croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est un long texte. Et je peux vous dire que il y a différentes interprétations sur ce texte-là, surtout par rapport au figuier. On va essayer de le voir de façon simple. Et si vous avez une autre opinion que moi, c'est correct. Il y a depuis 2000 ans que les gens ne sont pas tous d'accord sur qu'est-ce qui se passe. Donc, le lendemain est un mardi. Et on a ensuite, au verset 20, le matin, donc on est le mercredi. Cet événement se passe sur deux jours, ce qu'on vient de lire. La première journée, il y a la malédiction sur le figuier et le temple. Et le lendemain, l'explication que le figuier a été maudit et qui a séché. Beaucoup se demandent, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Est-ce que figuier devient une leçon de chose pour le temple, pour les Juifs? Je crois que oui. Jésus, ce qui le stimule premièrement au verset 12, c'est sa faim. Il quitte Béthanie. Je pense pas, en tout cas le texte ne laisse pas voir cela. Je pense pas qu'il est parti de Béthanie en se disant, je m'en vais à Jérusalem, je m'en vais nettoyer le temple, et donc en passant, je vais faire quelque chose pour qu'ils comprennent. Pas sûr. En tout cas, le texte ne laisse pas aller dans cette direction-là. Mais le lendemain, le mardi, Jésus se lève, il est à Béthanie, et il part vers Jérusalem, et il a faim. Donc, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Donc, il voit de loin un arbre, un figuier, il le reconnaît à son apparence, à la portée de ses feuilles, de ses branches, il reconnaît que c'est un figuier. Et il y a des feuilles dans ce figuier-là. Donc, il dit, vu que j'ai faim, je vais aller vers ce figuier-là, et il s'en approche dans le but de manger quelques figues. Mais il ne trouve que des feuilles, car ce n'est pas la saison des figues. Donc ici, est-ce que Jésus était un ignorant de la culture juive? Est-ce qu'il était un ignorant du fait que, quand est-ce que les figuiers portent leurs fruits? Si moi, je vois un pommier dans ma cour qui est en feuille au mois de mai, je connais assez, si je peux dire, l'agriculture. Je connais assez cela pour savoir qu'il n'y a pas de pommes au mois de mai au Québec. Ça va aller plutôt au mois de juillet, fin juillet pour les premières pommes, si je veux les manger à maturité. Si je suis prêt à en manger quelques-unes qui ne sont pas encore tout à fait rendues à maturité, bien, ça se peut que vers la fin juin, début juillet, j'ai des petites pommes dans mon arbre. Il ne faudrait pas penser que Jésus ici est ignorant du fait que ce n'était pas la saison des figues, donc je vais aller voir pareil en cas qu'il y en aurait. Il faut comprendre, à ce que j'ai lu, là. Il faut comprendre. qu'un figuier, à ce que j'ai lu, un figuier porte les fruits avant les feuilles. Les fruits sortent sur l'arbre avant les feuilles. Donc, quand tu vois des feuilles sur un figuier, tu t'attends à ce qu'il y ait des figues. Ils ne sont peut-être pas rendus à toute maturité, mais tu t'attends à voir des figues plus que des feuilles. Donc, Jésus voit de loin un figuier en feuilles, donc présuppose qu'il y a des figues dedans. Et là, les commentateurs, je suis pas assez au courant de tout ce qui se passe en Israël. On lit, mais c'est pas tout clair. Il y en a qui disent qu'il y a des différentes sortes de figuiers. Il y a des figuiers plus précoces que d'autres. Peut-être. Mais Jésus, moi, j'y donne le bénéfice du doute. Il connaît son environnement autant que nous, on connaît la nôtre. Et il sait que s'il voit un figuier en feuilles, il est supposé d'avoir des figues dedans. Donc, il s'en approche, mais il trouve seulement que des feuilles. Et là, c'est ce qui nous trompe, c'est quand ce n'était pas la saison des figues. Et je crois que la meilleure interprétation, ce n'était pas la saison de cueillir les figues. Il s'attendait à cause que des feuilles, et que ce n'était pas encore le temps de les ramasser, les figues, qu'il s'attend à en trouver, là. Il s'attend à trouver quelques figues dessus, vu que ce n'est pas encore la saison des figues, de ramasser les figues. C'est ce qui est la meilleure compréhension du texte. Et là, ça nous donne un sens plus normal de... Il prend la parole et il maudit le figuier. Parce que c'est un figuier hypocrite. C'est un figuier qui laisse voir, mais qui n'est pas la réalité. Si ce n'était pas la saison des figues, on comprend mal pourquoi Jésus aurait maudit un arbre qui est... C'est normal qu'il n'y ait pas encore de figues, parce que ce n'est pas encore la saison d'avoir des figues dans l'arbre. Mais si je comprends que le figuier qui est en feuille doit normalement avoir des figues dedans, vous vous souvenez de cette parabole que Jésus a contée ailleurs, qu'il vient chercher des figues à son arbre, et ça fait deux ans que je viens ici, et j'ai pas, il n'y a aucune figue. Coupe-le à cet arbre-là, enlève-le de là. Vous vous souvenez, on a lu ça dans d'autres évangiles. Et le propriétaire, le gérant, on pourrait dire, de la vigne, dit, « Bien, je vais creuser alentour, je vais mettre du fumier, et laisse-y encore un an. Et s'il ne porte pas de fruits, là, on le coupera. » Donc, Jésus, ici, je crois qu'il fait un acte pour donner une leçon de choses à ses disciples. C'est un figuier hypocrite. Il laisse voir qu'il est en bonne santé, il laisse voir qu'il y a des fruits dedans à cause des feuilles qui sont là, mais il ne porte pas de fruits. Moi, j'appelle ça un figuier stérile, on pourrait dire. Ou incapable de produire des figues. Jésus dit cela, ses disciples l'entendent au verset 14. Et il continue et arrive à Jérusalem. Et là, il rentre dans le temple et, selon ma compréhension, il voit un figuier hypocrite. Un peuple, des gens, une masse, une foule de personnes qui sont dans le temple, mais qui sont hypocrites, qui ne portent pas le fruit qu'ils devaient porter. Quand tu regardes le temple dans son fonctionnement, tu dis, waouh, c'est des gens religieux, c'est des gens spirituels, c'est des gens qui aiment Dieu, Jéhovah, le Dieu d'Israël. Mais Jésus voit au-delà de cela. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il chasse les vendeurs du temple. Il renverse les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Donc, il voit que dans la maison de Dieu, les gens qui sont là ne portent pas le fruit qui est supposé porter. Au lieu de porter du fruit qui est l'adoration de Dieu, qui est la prière, qui est la louange, qui est... tout doit se tourner pour Dieu et d'être là pour Dieu, c'est devenu, comme lui-même va dire, une caverne de voleurs. C'est supposé d'être une maison de prière pour toutes les nations, mais c'est devenu une caverne de voleurs. Ça, c'est le premier. On va pas tout faire. On va revenir demain là-dessus. Donc, si on résume ça, Jésus maudit le figuier parce qu'il est hypocrite. Il ne porte pas de fruits quand il aurait dû l'avoir. Il rentre dans un temple où est-ce qu'il devrait voir des gens qui prient Dieu, qui sont là pour la prière de Dieu, qui sont là pour s'approcher de Dieu, mais c'est devenu un commerce. C'est devenu même un commerce injuste, tricheur, c'est des voleurs. On vole les gens, on triche les gens, on scandalise les gens. Au lieu de se stimuler les uns les autres à une prière vers Dieu, c'est devenu un moyen de faire de l'argent. Donc, Jésus voit ce qui se passe dans le temple. Il est, si je peux dire en québécois, il est écœuré par cette situation-là. Et il chasse les vendeurs du temple, et il chasse ceux qui vendent, ceux qui échangent les argents, et il empêche tout le monde de transporter leur argent ou leur effet qu'ils vendent. Puis là, il dit, n'avez-vous pas écrit, n'avez-vous pas lu? Vous savez qu'est-ce qui est écrit? C'est une maison de prière pour toutes les nations. Ça va nous en dire beaucoup. On va revenir là-dessus demain. Que le roi voit la maison de prière, son temple, son palais, hier qu'on a vu, rentré dans son palais, pas dans le palais d'Hérode, dans son palais qui est la maison de Dieu, et c'est ce palais spirituel dont lui est le roi, c'est un palais pour les nations, pas seulement pour les Juifs. Donc le royaume, c'est un royaume pour les nations, le royaume spirituel que lui va établir, qui va devenir une maison de prière pour toutes les nations, et non pas seulement pour les Juifs. Vous vous souvenez? On a vu ensemble que Marc a comme but d'emmener ses lecteurs à croire que les Juifs n'ont rien de privilégié, rien de moins, mais rien de plus. Et que, du fait qu'ils sont non-Juifs, ils ne perdent rien, ils ne sont pas en deuxième place, ils ont tous les privilèges des Juifs dans le nouveau royaume que Jésus a établi. Son premier geste, comme roi, après avoir été couronné, c'est de déclarer que le peuple d'Israël est un peuple qui s'est détourné de la vérité. Comme lui-même a dit ailleurs, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'est pas là. Ce peuple porte beaucoup de feuilles, de belles grosses feuilles vertes, mais ils n'ont aucun fruit. Le fruit que moi, je veux avoir. Le fruit que moi, je veux produire dans le royaume que je vais établir. Donc, il démontre son insatisfaction du peuple d'Israël de la façon qu'il s'approche de Dieu ou qu'il pratique la foi juive. Nous allons voir ça plus long demain. Notre bon Père du ciel. Plusieurs d'entre nous avons utilisé dans le passé la religion comme un moyen de combler nos besoins à nous. Un besoin physique, un besoin financier, un besoin de consolation, un besoin de tout ça. On était là pour nous. Et Jésus est en désaccord. On va au temple pour Dieu. C'est une maison de prière et non pas une maison de qui ressemblerait à un magasin quelconque. Dirige-nous à comprendre cela. Et c'est là que nous te demandons qu'on puisse accepter le genre de royaume que tu veux établir pour toutes les nations.